Foot de Wallonie 31 Agla ou sur hippodromedewallonie.be. Il est 11h. On s'informe avec vous, Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, il manquait une médaille d'argent à la Belgique et elle l'a grâce à Peter Timmers. Il a créé la surprise en terminant deuxième du 100 mètres libre aux Jeux Olympiques. Et il a même eu du mal à y croire, il n'avait jamais nagé aussi vite. Ici, tous les rêves sont permis, commente Eddy de Smet, le chef de la délégation belge aux Jeux Olympiques. Et il ajoute, ce qui rend ces médailles encore plus belles, c'est la manière dont elles ont été gagnées, elles ne tombent pas du ciel. Aujourd'hui, début de la compétition de golf avec Nicolas Colsart. Thomas Nikiforov entre en piste en judo dans les moins de 100 kilos. Il y aura aussi le huitième de finale de David Goffin en tennis. Une fuite de gaz à Namur dans le quartier du Pont de France, près de la RTBF d'ailleurs. Les riverains ont reçu la consigne de ne plus sortir. On ne sait pas encore ce qui peut avoir provoqué cette fuite. Grève surprise chez les pilotes néerlandais de la compagnie EasyJet, basée à Amsterdam Schiphol. Ils ont stoppé le travail ce matin entre 5 et 10 heures. C'est leur troisième arrêt de travail en deux mois. Les pilotes néerlandais réclament de meilleures conditions de travail et des emplois du temps moins éreintants. Plusieurs vols ont été annulés, mais le trafic a repris. Paysage calciné dans les Bouches-du-Rhône en France, plus de 3000 hectares de garrigues ont brûlé la nuit dernière. Les feux ont fait 3 blessés, dont un grave. Un incendie a été arrêté aux portes de Marseille. La commune de Vitrolles est pour l'instant la plus touchée. Le cabinet du préfet redoute une reprise des feux à cause des vents violents. Les Diables Rouges, toujours bien accrochés à leur deuxième place mondiale. Nouveau classement de la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Aucun changement parmi les 20 premiers. Les Argentins restent en tête. La météo frisquée chez nous et c'est gris et même pluvieux, pas plus de 18 degrés. Demain, ce sera déjà un peu mieux, le retour de soleil et de douceur et même 24 degrés. Par contre, le week-end du 15 août s'annonce franchement ensoleillé. 27 degrés même mardi. Jean-Marc Stray, le point RTBF Mobile Info et cette fuite de gaz à Namur. Jean-Marc ? Une fois ? Deux fois ? On refait un essai. Jean-Marc Stray, je répète, fuite de gaz à Namur ? Le grand silence de Jean-Marc Stray. Voilà, je le sens. Je suis là, bah oui. Mais écoutez, je suis. Vous savez, il y a deux. Il y a un studio avec deux micros et voilà. J'étais de l'autre côté, j'ai crié tant que j'ai pu. Effectivement, cette fuite de gaz du côté de Namur, vous en parlez dans le journal, au pont de France, c'est à hauteur du Grognon, effectivement, près de la RTB. La chaussée est fermée. Il y a de gros embarras de circulation un peu partout, notamment avenue du gouverneur Beauvais. Donc le centre est à éviter pour l'instant du côté de Namur. Quelques ralentissements sur le 411 venant de Namur, justement entre Jesus Eich et Oderghem, mais c'est pour rejoindre Bruxelles. La circulation intérieure du ring avec des ralentissements entre Bercé et les forêts vers Dilbeek. Quelques ralentissements suite à des travaux sur le 19 Bruxelles-Anvers. Quoi que j'apprends à l'instant que c'est terminé, donc on n'en parle plus. On termine avec un radar signalé par un automobiliste sur le 40 Bruxelles-Liège entre Elessine et Walschutem. Levez le pied en direction de Liège. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je vous laisse avec Stéphane Piedbeuf. On aura quoi aujourd'hui comme chanson d'amour ? Eh bien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, j'ai décidé de faire grève Delphine aujourd'hui. Allez-y. Mais oui, et je vous invite d'ailleurs à rejoindre le mouvement. Là, je prends en otage l'antenne de Vivacité, j'en suis très conscient. Je n'ai qu'une seule revendication Delphine aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, est-ce que vous rejoignez le mouvement ? Allez, on y va. Parce que le soleil, c'est... Le soleil, que c'est beau. Merci DJ Sylvain. On est d'accord, hein. Et puis là, on aimerait l'appeler le soleil, on aimerait lui dire on t'aime, mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Mais en fait, on n'est pas difficile, on est flexible, on n'est pas obligé d'avoir un franc soleil, mais juste un petit rayon, quoi. Vous savez que j'ai un journal à midi, il faudra stopper, hein. Vous allez rester avec moi et on va faire grève jusqu'à ce que le soleil revienne. Et vous m'en ressortez d'autres. Mais non, parce que quand j'ai vu le sommaire de l'émission, évidemment qu'on va la faire, parce que on va juste être jusqu'à 13h et vous revenez à midi effectivement pour nous informer des films. À tout à l'heure. Un air de vacances sur Vivacité de 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Mais évidemment qu'on va porter de la vitamine D dans l'émission jusqu'à 13h, comme dans toutes les émissions de l'été sur Vivacité. Ça va continuer tout à l'heure avec l'été du bon côté, Émilie de Kegel, avec Marc Vernon, Vivre ici à 15h jusqu'à 17h. Il y aura la météo des plages avant 13h avec Caroline Gillet. On prendra la température à Berlin. On ira également très loin, à Quiberon en Bretagne. Enfin, c'est pas gagné la Bretagne. Hein. Mais oui, peut-être aussi au Danemark. Enfin bref, un sacré programme. Et puis les tubes de l'été qui vont aussi nous réchauffer tout à l'heure. Alors je sais pas s'il faut dire kitsch, culte ou mythique, mais il y aura ça. Un humoriste très ensoleillé dans l'émission, Richard Ruben sera votre invité dans les People en vacances et le studio clignote déjà, donc ça y est, on est déjà parti. Il y a au moins 36°C à l'intérieur de nos corps et on va faire la fête. On va commencer avec Charlie Puss, One Call Away. Il y aura plein de cadeaux aussi, on en parle juste après. Un air de vacances sur Vivacité. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. Take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. Sur Vivacité, notre premier tube de l'été. Il s'appelle Yannick et on en parlera. Mais d'abord, je tiens à vous offrir des cadeaux avec toute l'équipe. On s'engage à vous envoyer au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. C'est super, c'est un pass familial. Donc pour y aller à deux adultes avec deux enfants. Ok. Et c'est un thème très sympa cette année dans le labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe puisque c'est Princesse et Dragon. On est juste à côté d'Urbouy, vous savez, la petite ville, la plus petite ville du monde d'ailleurs, où il fait bon vivre. C'est vraiment une ambiance vacances toute l'année et particulièrement l'été là-bas. Donc vous pourriez en profiter pour aussi vous balader aux alentours de Barvaux-sur-Ourthe et découvrir un petit peu la région, voire même effectuer une descente en kayak sur l'Ourthe. Hein. C'est très sympathique. Si vous souhaitez gagner ce pass familial pour une journée inoubliable en famille à

matinée avec nous sur Vivacité. Si vous êtes fan de Pink Floyd, sachez que dans les prochaines minutes, on écoutera Another Brick in the Wall. Et dans quelques secondes, la météo des plages et de vos vacances. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vivacité présente lundi 15 août le 50e marché 1900 de Marchand Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue, jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens, plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Le 43e Festival International des Arts de la Rue se déroulera à Chassepierre, près de Florentville, les 20 et 21 août prochains. Circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, professionnels venus du monde entier vous enchanteront, avec d'habiles équilibres et tout un jeu de subtils contrepoids. Préparez votre festival sur chassepierre.be, avec Vivacité et La Une. Et maintenant, la météo. À partir de demain et jusqu'au 15 août, journée rafraîchissante en perspective. Deux packs d'un litre et demi de Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, plus un pack gratuit. Conditions dans les magasins participants. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et il est grand temps de retrouver immédiatement celle qui va nous annoncer un super week-end à la mer. Bonjour Caroline Gillet, encore quelques heures de patience et puis l'été sera enfin de retour. Bonjour Stéphane. Oui, quelques heures seulement de patience. Ça va revenir, le soleil va revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui le temps va rester gris, on aura quelques petites averses, un vent sensible, seulement 18 degrés sur la digue. C'est pas bien chaud pour la saison, mais dès demain le soleil va revenir, des éclaircies qui seront plus larges, plus belles. Les maxima qui vont remonter eux aussi puisqu'on aura 21 degrés demain à la mer. Un vent toujours bien présent tout de même, mais un drapeau vert sur les plages. Le week-end s'annonce agréable lui aussi et le début de la semaine prochaine s'annonce même beau et chaud. On aura jusqu'à 23 degrés au littoral. La météo de vos vacances à présent avec Mélissa qui nous a envoyé un mail sur vivacité.be. Ah oui, Mélissa. Je sais pas si c'est la métisse d'Ibiza, mais elle va pas aller à Ibiza puisqu'elle va à Berlin, Mélissa, en Allemagne. Mélissa de Ytre qui s'apprête donc à effectuer un city trip de quelques jours, Caroline. Ah, très bon choix Mélissa, la ville de Berlin c'est vraiment l'idéal pour les city trips. Alors vous verrez si vous arrivez demain, le temps maussade qu'on connaît aujourd'hui en Belgique sera décalé vers l'est justement, donc à Berlin. On aura des pluies éparses, beaucoup de nuages, un peu de vent et des températures qui n'excéderont pas les 18 degrés. Mais déjà à partir de samedi, eh bien tout ça on n'en parlera plus, les éclaircies seront de retour, les maxima vont remonter eux aussi, vous aurez entre 22 et 24 degrés, en tout cas jusqu'à mercredi. Super ça, bonne nouvelle Caroline Gillet, on vous retrouve tout à l'heure vers midi 15 pour de prochaines demandes et on prendra notamment la direction de la Bretagne ou encore de Copenhague au Danemark. Il faudrait que j'arrête de dire que je vais arrêter, il faudrait que je permette au vide de venir m'habiter, il faudrait que j'apprenne à compter combien de fois j'ai dit qu'il n'y avait plus rien et combien de fois je me suis menti. Le monde tourne sans toi et plus je joue et plus je perds. Il faudrait que ta bouche ne soit pas mon unique raison et que beauté en touche ne soit pas ma seule réaction. Il faudrait que j'inonde de sombres couleurs tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire. Il faudrait que je revienne quand je pars m'égarer dans tes draps et que je me souvienne comment ne pas avoir envie de. j'ai jamais osé. Il faudrait que j'efface toutes celles qu'on avait dessinées. Et plus je joue, plus je perds. Je voudrais tellement tomber par terre. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue. Elle s'appelle Anne Silla, elle est peut-être en train de nous écouter parce qu'elle est chez nous à Bruxelles. Elle se produit ce soir au Brussels Summer Festival dans le cadre de la soirée à la française. On l'embrasse Anne Silla si elle nous écoute. Le titre c'était « Le monde tourne sans toi ». Coup d'œil sur vos conditions de circulation, assez difficile à Namur visiblement, Jean-Marc Strel. Oui, effectivement, avec une fuite de gaz au pont de France, en tout cas à hauteur du pont de France, à hauteur du Grognon aussi, la chaussée est fermée, il y a de gros embarras de circulation, bien évidemment, les riverains sont confinés pour l'instant, donc évitez Namur, en tout cas dans les minutes qui suivent. Circulation intérieure de Ring, quelques ralentissements entre Bercé-les-Forêts vers Dilbeek. À Bruxelles, le tunnel Louise-Stéphanie fermé à la circulation, voilà, dans les deux directions, pas d'autres explications. Un incident. Et puis attention à ce radar sur le 40 Bruxelles-Liège entre Hélessine et Walschutem en direction de Liège. Et là on roule à 120 j'imagine. 140. 140, bah non 120. Bien sûr que oui, non, mais c'est de l'humour. Oui, bien sûr. Bien sûr 120. Non mais j'ai déjà essayé moi, de rouler à 140 parce qu'il paraît qu'il y a une marge d'erreur, mais je me suis quand même fait avoir. Donc maintenant je roule à 120. Il n'y a pas de marge d'erreur. Voilà. Les policiers qui sont ici au centre Parex le confirment assez souvent. Effectivement, donc c'est 120. C'est ouais, pas ouais. 121, c'est 120. 120. C'est comme ça, pas comme ça, comme ça, mais comme ça. Voilà. À tout à l'heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Allez, on a le numéro de... Ah non, on va pas appeler Richard Ruben. Je propose d'appeler Jean-Claude Van Damme. Ouais, on l'appelle après Pink Floyd. Jean-Claude Van Damme sur Vivacité. We don't need no education. We don't need no thought control. Leave them kids alone. Another Brick in the Wall, c'était Pink Floyd sur Vivacité. Les people en vacances avec Jean-Claude Van Damme ce matin. Bonjour Jean-Claude. Ah, ça y est, vous, tout de suite, vous m'imposez Jean-Claude. Ok, bah ouais. On est ensemble, together, dans la stratosphère. Non, j'avais quand même dit tout à l'heure que c'était Richard Ruben, puis j'ai changé d'avis juste avant Pink Floyd. Je me suis dit, bah, finalement, on va appeler Jean-Claude Van Damme. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, vous pensez que je suis une sorte de YouTube, moi tout seul. Oui, c'est ça. Voilà. Bah ouais. Vous voulez que je vous fasse Drake aussi? Ouais, non, Gonzague, c'est bien. Gonzague, c'est bien. Ben, Gonzague, je peux vous dire, en ce moment, le temps n'est pas terrible. Effectivement. Vous étiez Huck, le Gonzague. Non, mais vous savez, les gens, moi, je trouve ce personnage incroyable parce que, encore aujourd'hui, il cartonne sur scène. En oui. France, je le joue. Mais les gens ne savent pas que moi, je n'ai fait qu'observer la société. Et je trouve que finalement, c'est tellement rare qu'on crée des accents belges dont on doit être fier. C'est vrai. Que, voilà, avant moi, il y a eu d'illustres prédécesseurs qui ont inventé la Svance bruxelloise, et puis il y a les accents wallons. Et Gonzague, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un personnage qui, aujourd'hui, je le joue en France, et parfois, c'est souvent un des sketchs les plus plébiscités que je joue dans le sud de la France ou dans le nord, parce qu'aujourd'hui, il est devenu universel quand il parle du bio ou d'Internet ou de Facebook. C'est énorme. Moi, je sais, j'ai le livre, Gonzague. Ah oui, d'accord, vous faites partie de... Le premier livre avait été, à l'époque, meilleure vente de livres. Et vous me l'avez même dédicacé, Richard, à l'époque. Ah, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Jeune, alors. C'est un collector. D'ailleurs, je sais que le jour où j'ai un problème financier, je le mets sur eBay, quoi. Je vais me faire un max, tu vois. Il est épuisé. Ouais, il est épuisé, donc j'ai un objet collector dans ma bibliothèque. Ouais. Bon, Richard, plus sérieusement, ça va? Vous êtes en vacances? Vous travaillez cet été? En vacances, c'est un été très studieux, je bosse. Ah oui, vous bossez sur quoi? On peut savoir? Mais écoutez, je joue un spectacle que je vais créer en anglais. Oui. Le but est d'avoir beaucoup d'aller jouer de partout dans le monde une vingtaine de minutes, mais pour qu'il existe, on crée un spectacle d'une heure. Mm-hmm. Et la première aura lieu le 29 septembre à la Randberg Schauburg. Oui. Et nous allons le roder dans un petit pub d'expat à Bruxelles où passent les plus grands comédiens internationaux. Ils viennent jouer là. Hein? Il y a tout un circuit d'artistes qui... Donc là, j'ai pu tester 20 minutes au mois de juin. C'est la première fois que je jouais 20 minutes en anglais. C'était extraordinaire. Et alors, c'est vrai, c'est la première fois de votre vie, en fait. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas sûr qu'en jouant 20 minutes en français, j'aurais eu le même accueil. C'est vrai, à ce point-là. Il y avait un Belge dans la salle qui m'a reconnu, mais sinon, c'était que des Irlandais, des Anglais, des Lettoniens. Mais il est où, ce pub, à Bruxelles, Place du Luxembourg? Alors là, on va jouer le 30 août au Black Sheep. C'est à la Place Flaget. Place Flaget, ok. Et voilà, et c'est au 8 Chaussée de Boundal, parce que ça s'appelle Chaussée de Boundal, mais c'est Place Flaget. Et voilà, donc ça c'est un challenge extraordinaire, c'est de ce spectacle en anglais que j'écris avec une fille qui a vécu à Broadway, qui s'appelle Christy Evenepoel, qui est une parfaite bilingue, et moi j'adore l'esprit anglo-saxon, donc je me lâche dans un style qui ne ressemble pas du tout à mon one man français. D'accord. C'est autre chose. Okay. Et voilà, et puis je commence à Paris le 12 septembre, tous les lundis, mardis, pendant 4 mois. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, Richard Ruben? Ah, ça c'est une bonne question, j'y étais pas préparé. Écoutez, cet été, je trouve que c'est la chanson de Justin Timberlake. Et je peux vous le dire que dès le mois de mai, j'avais repéré cette chanson. Je trouve qu'il y a un esprit, comme on ne trouve plus, du tube culte. Vous savez, moi qui suis un fan d'Elton John, il y a eu l'époque où il y avait I'm Still Standing ou des choses comme ça, qui étaient des sortes d'hymnes au plaisir, comme il y a eu Happy. Hein, c'est plus ouais, Happy. Et je trouve que malheureusement, à une époque où il n'y a plus de tubes, c'est agréable de voir qu'il y a encore de temps en temps un chanteur qui fait quelque chose qui est comme un hymne au plaisir, à l'insouciance. Et par les temps qui courent, je peux vous dire que ça manque. Les chanteurs ont une fonction magnifique, en fait. Les gens oublient ça. Ils ont une fonction de nous changer les idées. Ouais. Et chaque chanson est liée à des souvenirs. C'est à ça que ça sert une chanson. Que ce soit des chansons toutes simples, des slows de l'été, comme on ne t'en trouve plus, ou des grands tubes, ça va dans tous les sens. Moi je sais qu'il y avait une époque Gente di Mare. Gente di Mare, ouais, c'est sympa. Tube, et restez avec nous, Richard, parce que tout à l'heure à midi 12, eh bien, on va passer Brasilia Carnaval, des chocolates. Ça c'est moi mon truc. Bon, et vous êtes plutôt camping ou hôtel? J'avoue que je suis plutôt hôtel. Okay, mon fils vient de partir avec son meilleur ami en Islande, ils ont fait du camping pendant 15 jours. Moi je suis même un hôtel tout simple, ça peut être une pension de famille, ça peut être une chambre d'hôte, mais j'aime bien quand je pars avoir un petit peu, même si c'est rudimentaire, j'aime en tout cas que les hôtels soient... Voilà, ne ment pas sur ce qu'il... Je préfère un petit hôtel tout simple qui ne ment pas sur la marchandise qu'un faux 4 étoiles. Voilà, moi j'apprécie les choses pour ce qu'elles sont. Et puis je trouve que c'est un véritable art de recevoir les gens. Donc j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui nous accueillent partout. Piscine, mer ou montagne? Alors écoutez, moi si j'ai pas la mer une fois par an, je deviens fou. Ah d'accord. Donc j'adore tout ce qui est autour de la Méditerranée. Avez-vous à Tel Aviv, une autre fois je vais en Italie. Voilà, moi je suis un fou de la... C'est pour ça que j'étais très touché par ce qui s'est passé à Nice, comme tout oui, le monde. Bien sûr, ouais. On a attaqué les gens dans ce qu'ils ont de plus festif. Et moi je suis mer, mais j'adore la montagne aussi. Mais je dois avoir ma dose de d'iode tous les ans. Avez-vous un apéro, un cocktail, une boisson préférée? Ben écoutez, quand un rosé est bien bon, bien frais, en été c'est très agréable. Mmh. Maintenant une bonne petite coupette... ça passe, hein. Vous savez, il y a des champagnes chez Deleuze à 12 euros qui sont pas plus chers que des Prosecco, qui valent vraiment la peine. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Mais bon, à boire avec modération. Ou avec voilà. Moi. Je suis comme tout le monde, j'aime bien de temps en temps. Mais alors, je suis pas très alcool. Moi, c'est plutôt vin ou champagne, mais pas cocktail. Quel est votre plat préféré de l'été? Alors, un des plats préférés de l'été, moi, je trouve que le vitello tonnato, que j'ai pas eu encore. Oula, c'est quoi ça, le vitello tonnato? Vous connaissez ça? Ben non. Ah, ça revient très fort à la mode, même dans les restaurants. C'est du veau, froid, comme du carpaccio, si vous voulez, mais qui a été légèrement cuit, avec une sauce au thon, capre et anchois. Ok. C'est italien, c'est extraordinaire. Et c'est très très bon, mais moi j'aime bien un bon tartare de saumon aussi. Ok. Avec des mangues, par exemple, c'est très frais. Moi, vous savez que j'adore cuisiner. Chez nous, c'est bien, on va venir manger chez vous parce que ça a l'air appétissant, mais bon, peut-être moins le veau, hein, plutôt le tartare. C'est chacun ses goûts en même temps. Hein, bon. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique? Écoutez, moi, même dans mon jardin, je suis heureux du moment qu'il fait beau, du moment qu'il fasse beau. Et là, aujourd'hui, c'est parfait, par exemple. Hein. Voilà, il fait 14 degrés. Je me demande par moment, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, nous, les Belges, pour avoir un temps si pourri, parce que même à Paris, aujourd'hui, il fait 22. Donc là, il fait 14 ou 15. Donc, et ce matin, il y avait 1 degré à Elsenborn, au réveil. Voilà, 1 degré. Bonne année à tous. non, moi, mais je vais vous dire une chose, ça peut être tout simplement avec des amis assis sur un petit transat ou une chaise, il ne me faut pas grand-chose, moi. Ça peut être sur une terrasse en plein Bruxelles, boire un coup avec un pote. Du moment qu'il y a un peu de soleil, il faut profiter de chaque moment. Ça peut être sur une marche devant ma porte-fenêtre. Il faut s'offrir des petits moments. Vous avez raison. Merci beaucoup, Richard Ruben. On peut vous suivre sur Facebook. Hein, on tape Richard Ruben, oui, un site internet. Il y a une page Richard Ruben, et puis il y a mon compte qui est complet depuis très longtemps. Oui. Mais vous pouvez. De temps en temps, je flingue une personne et il me reste 4998 places. Ça, en fait, il faut scruter, quoi. Dès que vous flinguez une personne, et ben hop, il faut faire une request, comme on dit. Non, on peut devenir abonné ou sinon ma page. Avec grand plaisir, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Et puis toutes les dates sont sur richardruben.com. Et puis à Paris, donc je confirme que je suis belge, mais ça ne se voit pas, mis en scène par Sam Touzani et Pascal Légitimus. C'est à partir du 12 septembre au Beau Saint-Martin. Eh ben voilà, c'est parfait, on a noté les dates. On va venir, promis. Merci beaucoup, Richard Ruben. À bientôt. Et je salue tous les auditeurs de Viva que j'adore. Eh ben c'est génial. J'ai cherché, je l'ai trouvé moi. Émilie de Kegel, elle est déjà à côté de moi. Ah yeah, et ouais, celui-là. Et on parlera de l'été du bon côté juste après Amir. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Dans la vie, vous souhaitez malgré tout partir en vacances seul, et bien sachez que c'est possible. Aurore Salsano nous le dira dans quelques minutes. Jusqu'à 15h, l'été du bon côté sur Vivacité. Avec Émilie de Kegel qui est là, et tout à l'heure, donc dès 13h jusqu'à 15h, un nouveau thème, encore une fois, très sympa aujourd'hui. Oui, et nous allons faire un carton, je pense, parce que vous êtes excessivement nombreux à posséder un animal de compagnie, compagnon à quatre pattes, même parfois à deux, hein, ça peut être un canari, ça peut être une... Ou un chien qui a perdu deux pattes, quoi. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais. Le tout, c'est de vous en être responsable jusqu'à la fin, donc peu importe qu'il ait une, quatre ou 18 pattes. J'ai vu les petits chiens avec les roulettes derrière. Ouais, c'est rigolo. Alors, on va pas parler de cet aspect-là des animaux, même si on pourrait. On va plutôt parler de la rentrée, parce que si vous êtes parti en vacances, tout le monde doit commencer à se réadapter, à se réhabituer, à reprendre ses petites habitudes. Et ben pour nos compagnons à quatre pattes, c'est la même chose. S'ils sont partis avec vous, bah il faut qu'ils retrouvent leurs repères à la maison. Ils vont de nouveau, parce que vous allez repartir à l'école, vous allez repartir bosser, bah ils vont de nouveau se retrouver tout seuls. Donc il faut les habituer à tout ça. Peut-être que vous ne les avez pas pris avec vous, parce qu'il s'agit peut-être d'un chat et qu'on sait que le chat est plutôt casanier. Le chat est plutôt... Un chat chasse la nuit, hein, il est 11h44, voilà. C'est pas très crédible. Le chat est plutôt territorial et casanier, donc c'est plus sa maison, donc il n'est pas parti, mais il va falloir que vous reveniez aussi chez vous, donc vous allez un petit peu empiéter sur son territoire. Enfin bref, il y a des petites choses à apprendre, des questions que vous avez sûrement à poser à notre invité, que vous connaissez toutes et toutes, puisqu'il s'agit de Bénédicte Flamand. Ah, elle est dans 6-8 qui est une grande vétérinaire, ouais. Voilà, et qui viendra donc répondre à toutes vos questions, que vous pouvez déjà nous poser maintenant via SMS au 3063 ou via la page Facebook de l'émission. Et vous parlerez des NAC aussi ? On va voir les NAC, ouais. Donc les NAC étant donné, on appelle ça les nouveaux animaux de compagnie. Genre le mec, il va prendre un python comme animal de compagnie. Ouais, ou un furet, voilà. Il court ouais, le furet. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, c'est fini hein, la mode des poissons rouges finalement aujourd'hui. On achète un python, un lémurien. On comprend pas bien, mais bon. Un facochère. Moi, je voudrais un facochère. Ouais. Bon, tout sauf le putois. Ah, méfiez-vous. Après, on s'habitue à tout, même aux odeurs. Oui, c'est cela, oui. Allez, à tout à l'heure, un petit peu avant 13h, vous reviendrez pour le hit parade de Croatie aujourd'hui. Voilà. Voici Katy Perry et Roar sur Vivacité.

Attention mesdames et messieurs, voie 3 dans un instant, le train à destination d'Aurore Salsano entre en gare, voie 3, ce sera juste après la pub. Chérie ! Bonjour. Oula, vous êtes qui vous ? C'est moi, ta femme, mais en version upgradée. Ah ouais ? Un petit massage pour chasser tout ce vilain stress. Oh, allez viens mon animal, on monte, ne faisons pas attendre ma meilleure amie. Et pourquoi ne pas upgrader aussi votre vie avec un break Mercedes classé de chez Nearly New Car, par exemple. Vous en trouverez déjà un au prix indécent de 17 999 euros sur nnc.be. Nearly New Car. By Mercedes-Benz. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Les vacances, c'est un chouette moment à partager en famille ou entre amis, mais parfois... Parfois, pour certaines personnes, c'est aussi synonyme de solitude. Et pourtant, Aurore, il est tout à fait possible de partir en vacances en solo, sans être seul. Il faut peut-être d'abord préciser que certains partent en vacances seuls parce qu'ils l'ont choisi. Tels de vrais loups solitaires, ils aiment faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans demander de compte à personne. D'autres vivent les vacances en solitaire nettement moins bien. Alors pour eux, voici quelques conseils. Le premier, tout simple, est de d'abord faire le tour des amis ou de la famille. C'est fou comme en parlant, on peut se rendre compte que d'autres aussi voudraient partager leurs vacances. Si ce n'est pas possible, alors il existe des sites et des associations qui propose de partager des voyages. Le premier avantage, au-delà du fait de ne pas être seul, est financier, puisqu'il n'y a plus le fameux supplément single. Voici quelques pistes. Le site dimanchemalin, au pluriel, .be, propose un tas d'activités pour les célibataires, au moins comme ça, c'est clair, depuis la promenade sur la Meuse à la croisière en Grèce. De nombreuses activités voyages sont proposées. Le plus grand mérite du site est d'être belge, sa présentation un peu rude, mais les membres peuvent préciser leur centre d'intérêt, ce qui peut déjà vous donner des indications sur les personnes qui pourraient vous accompagner en vacances. Les prix sont aussi tout à fait raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas des sites spécialisés en voyage en solo. Autre site pour partager ses vacances, le site quiveutpartir.com. Il se revendique comme réseau social qui regroupe des passionnés de voyage qui veulent partager leurs aventures. Ce n'est donc pas adressé uniquement aux célibataires. Cela fonctionne essentiellement avec des petites annonces. Lucie aimerait partir en Corse. Elle cherche des personnes qui aiment vivre une aventure style sac au dos avec elle, par exemple. Il existe aussi des organismes et des agences de voyage qui proposent le plus souvent des circuits pour célibataires. Attention, leurs gros inconvénients est le prix. Les covoyageurs.com proposent par exemple 6 jours en Corse pour 830 euros, mais à cela, il faut encore ajouter votre vol pour aller jusqu'en Corse puisque le voyage n'est pas compris. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Bring up my doorbell. I feel the love, feel the love. Chandelier, c'était Sia sur Vivacité. Je dis bravo à Martine Jaminet de Hachy qui gagne le Rail Pass 10 trajets SNCB. Reste avec nous car des cadeaux, il y en aura encore bien sûr juste après. Et la musique aussi, toute la musique que vous aimez et même des tubes de l'été. Vivacité présente une grande fête du goût. La fête du fromage au château de Arzé, le week-end des 13 et 14 août. Plus de 300 fromages, animations pour petits et grands, entrée gratuite pour tous, avec le soutien de la PACW. Pour ton Blève, le pays convivial. Ce week-end, le créateur, c'est vous. Vendredi et samedi, recevez 15%, oui, 15% de réduction sur tous vos achats pour réaliser vos plus belles créations. Pour les makers, Brico. En ce moment, chez Colruyt, 3% de réduction sur tous vos achats, en plus des meilleurs prix, jusqu'à mardi inclus. Regardez vite sur colruyt.be. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Il est midi. Place à l'actualité avec vous, Delphine Vreux. Bonjour, fausse alerte, mais une enquête est ouverte après l'alerte hier soir à l'aéroport de Zaventem. Le parquet fédéral explique dans un communiqué avoir été informé hier soir d'une menace terroriste potentielle sur un des vols de la compagnie scandinave SAS. Deux avions étaient possibles. Ils devaient tous les deux arriver à Zaventem, l'un venant d'Oslo, l'autre de Stockholm. Les deux appareils ont donc été fouillés après l'atterrissage, mais rien n'a été trouvé. Le parquet fédéral ne dira pas d'où cette menace terroriste est venue. Une fuite de gaz empêche toujours certains Namurois de sortir de chez eux autour du pont de France, près du Grognon et du Parlement wallon. Un périmètre de sécurité est en place et les voitures ne passent plus. Des ouvriers ont percuté une conduite de gaz de moyenne pression. La fuite est importante, explique l'opérateur Aurès, qui ajoute que les riverains sont invités à rester chez eux durant tout le temps des réparations qui risquent fort de prendre plusieurs heures. À la SNCB, des cheminots brûlent-ils des feux rouges volontairement pour être licenciés? C'est ce que déclare le syndicat autonome des conducteurs de train, le SACT, syndicat qui n'est pas reconnu par la SNCB. Mais selon lui, le nouveau régime des licenciements pose problème. Il pousse, dit le SACT, le personnel à prester un an de préavis en cas de démission. Et une centaine de machinistes seraient dans ce cas. Certains dépasseraient donc sciemment un feu pour être licenciés, toujours selon ce syndicat. La sécheresse de ces derniers mois et le Mistral en France sont un cocktail explosif. Trois départements luttent contre plusieurs incendies, 2000 pompiers mobilisés et déjà 7 blessés, dont 4 graves. Un incendie a été stoppé de justesse la nuit dernière aux portes de Marseille. Ce matin, la situation s'est un peu améliorée. On ne parle pas encore de feu maîtrisé, mais de flammes qui n'avancent plus. Le feu aurait progressé à une vitesse phénoménale, 2500 mètres. À l'heure. À Rognac, pas loin de Marseille, de nombreuses maisons sont endommagées. Un lotissement a été préservé in extremis. Écoutez le soulagement de cette habitante, elle a dû quitter sa maison dans l'urgence. C'est difficile à croire, tant qu'on n'y est pas passé et qu'on n'a pas vu les flammes, on ne peut pas savoir ce que la personne endure. C'est hallucinant. Et chapeau les pompiers parce que franchement, ils mettent vraiment de la peine et du cœur parce qu'on s'en prend à eux quand ils arrivent un peu en retard, mais... Bon, c'est vrai que lorsqu'ils sont en plein travail, c'est hallucinant, quoi. Chapeau, chapeau. Et pardon pour certaines paroles qui sont dites sur le fait de la peur et à leur encontre, parce que franchement, ils ne le méritent pas. Rester sur le bord de la route en train de regarder les flammes lécher les abords de votre maison, on a l'impression d'être inutile. Un témoignage recueilli par nos confrères de France Info et selon une source proche de l'enquête, un homme de 50 ans a été interpellé près de Vitrolles. Le programme du jour aux Jeux Olympiques, il pourrait amener d'autres satisfactions après la médaille d'argent de Peter Timmers la nuit dernière en natation. On suivra par exemple le judo et le parcours de Thomas Nikiforov en moins de 100 kilos. 8e mondial, tête de série, médaillé de bronze au dernier championnat du monde, le Bruxellois est une chance de médaille pour la Belgique. Autre événement, Le retour du golf, 112 ans après sa disparition, le golf revient au JO. Cela débute dans moins d'une heure avec la compétition masculine. Deux Belges seront présents, Thomas Peters et Nicolas Colsart, contrairement aux meilleurs joueurs du monde qui ne se sont pas déplacés. Écoutez ce qu'en pense le Belge. Ouais, moi je juge pas si les gens n'ont pas envie d'être là et de passer à côté de ces Jeux Olympiques. Voilà, tant pis pour eux. Nous on vit une expérience incroyable. Les joueurs de golf, je croise depuis 3 jours. On voit sur leur visage que voilà, on se rend compte de l'importance que ça a et que ouais, voilà, ça le fait vraiment quoi. Je peux vous assurer que les joueurs qui sont là sont fiers d'être là, et je pense que le golf promet un beau spectacle avec un parcours pas trop mal, avec un finish avec les quelques derniers trous qui sont assez spectaculaires. Donc les amateurs de golf, à mon avis, s'y retrouveront s'ils regardent la fin du tournoi venu dimanche. Nicolas Colsart au micro de notre envoyé spécial Françoise Aleski. Le golf débute vers 12h30 à signaler aussi aujourd'hui. Le 4e match de notre équipe de hockey face à l'Espagne, ce sera 18h30. En tennis aussi, 8e de finale de David Goffin, il sera face au Brésilien Bellucci. Et on va reparler de cette fuite de gaz à Namur avec Jean-Marc Strella. Oui, avec un horaire prévu de notre côté, puisque tout cela devrait se terminer vers 18h, pas avant apparemment. Donc je vous rappelle, c'est à Namur, au pont de France, autour du Grognon. La chaussée est fermée, il s'agit donc de la fuite de gaz avec de gros embarras de circulation aux alentours. À éviter si possible, je vous rappelle également que les riverains sont pour l'instant confinés. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, l'intérieur, quelques ralentissements entre Bercé et les forêts vers Dilbeek. Il y a également quelques ralentissements dans Bruxelles, dans le porte de Halle, tunnel porte de Halle vers la Basilique, dans le tunnel Bailly et tout cela en direction du centre. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Et vous avez votre appareil photo? Ouais, mais vous n'avez pas réussi à faire revenir le soleil, ça ne compte pas. Mais si, parce qu'on part en croisière là, Delphine. On part en croisière. Prenez votre appareil photo parce que c'est une croisière, vous savez, où il y a plein de touristes dans le bateau et on passe devant les maisons de stars comme ça. Hein. Toujours passionnant. Et là, vous voyez la maison de Maître Gims, on va passer devant lui avec le capitaine Meryl Stubbing, évidemment, aux manettes de cette émission, alias Sylvain Druard. Nous passerons devant chez Christophe Maé aussi, ça vous tente? C'est, déjà vu, c'est bien ça, hein. Justin Timberlake. Ah, je m'arrête. Ah, vous arrêtez, ça y est. Ah, une petite escale chez Justin Timberlake. Et nous, on va continuer vers la Seine, hein, Paris, et puisqu'on passera devant chez Zazie aussi. Voilà un peu toute la musique que nous allons écouter jusqu'à 13h. Allez-y, je ne serai plus avec vous. Eh ben oui, à 13h, ce sera le journal, mais vous reviendrez tout à l'heure. Merci Delphine Reux. Un air de vacances sur Vivacité. Est-ce que tu m'aimes? Ouais, on met la casquette à l'envers et surtout les lunettes de soleil parce que c'est Maître Gims. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Du mâle et de la femelle. On est t'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sais pas si je t'aime. Je sais pas si je. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Ah, il faut savoir parce que l'album s'appelle Mon cœur avait raison. Maître Gims sur Vivacité. Dans un instant, des tablettes de chocolat, c'est promis. Ce sera notre deuxième tube de l'été. Mais tout de suite, on vous rappelle que vous pouvez gagner un magnifique cadeau. Une journée inoubliable en famille au Labyrinthe 2016. Le labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. C'est juste à côté d'Urbuis. C'est une super région. On peut faire la descente de l'Ourthe en kayak. On peut aller se balader. Et puis il y a de la bonne bière aussi, les bières spéciales. Et puis à Urbuis, les restaurants sont vraiment de très haute qualité. Donc c'est un endroit sympa pour y aller en famille. En plus, on vous offre un pass familial. Donc vous pourrez aller avec deux adultes et deux enfants. Profiter du thème de l'année 2016 au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe qui est Princesse et Dragon. Alors le principe, c'est par SMS que ça se passe. Vous jouez au 60-03 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. 60-03, il faut envoyer le nom d'un artiste, mais pas n'importe lequel. On a été chercher une seconde de l'énorme répertoire de cet artiste. On va vous la passer cette seconde et c'est à vous donc de ne pas identifier le titre. Enfin, vous pouvez, mais c'est surtout l'interprète, donc c'est-à-dire soit le chanteur, le groupe ou la chanteuse. Écoutez. Avez-vous trouvé de qui il s'agit? Si oui, 60-03 par SMS. Alors, je peux vous dire que c'est pas Jacques Martin. Je sais pas pourquoi on nous a envoyé Jacques Martin. Mais je vous promets, hein, je vous lis les trucs qu'on nous a envoyés. On nous a envoyé le grand Jojo. C'est pas le grand Jojo non plus. Voilà, réfléchissez bien. C'est pas Michel Delpech non plus. Ce n'est pas Sabatier non plus. Bref, de qui s'agit-il? Avez-vous la bonne réponse? On va encore une fois réécouter cette seconde. 60-03, qui est l'interprète de cette chanson? Je vous souhaite bonne chance. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100 euros, vous recevez une réduction de... BAM ! 10 euros ! Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Prêt pour l'aventure ? Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. En télé sur la Lune. À Calcutta, les plus gros chargements sont convoyés par ceux que l'on appelle les hommes chevaux. La Légion étrangère, de nombreux candidats et très peu d'élus. Le corps des soldats d'élite exige une résistance à toute épreuve. Les carnets du Bourlingueur, ce samedi sur la Lune. Jusqu'à 13h sur Vivacité. Un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Et à 12h13, c'est l'heure de notre deuxième tube de l'été. C'est énorme quand même, hein. Brasilia Carnaval des Chocolates. Ça tombe bien, c'est les JO Rio. On est dans le thème, hein. Mais on est dans les années 70 aussi, surtout. Très populaire, hein, cette chanson dans ces années-là. C'est un groupe belge qui a eu quelques hits comme Rythmo Tropical, La Chatte à la Voisine. Et oui, c'est eux qui avaient fait La Chatte à la Voisine, c'est vrai ça. Ou encore, bah, ce titre Brasilia Carnaval. mon Dieu. Et d'ailleurs, ce titre, Brasilia Carnaval, fut même repris comme générique pour l'émission de TV de Guy Lux qui s'appelait Ring Parade, tout en secouant les pistes de danse durant l'été 1975. Montez le son, voici les Chocolates et Brasilia Carnaval. Carnaval, les Chocolates, vous avez eu le son. Si vous souhaitez voir l'image, rendez-vous sur vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances. Midi 17, après Brasilia Carnaval, on irait bien faire un tour à la météo des plages, par exemple. Alors, où allons-nous aller? Eh bien, à Quiberon, en Bretagne. C'est là-bas qu'Henri, hein, Henri et Viviane partent en vacances dès demain. Caroline Gillet, vous êtes de retour. La Bretagne et sa météo, bah, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Ah, oh, comme vous êtes mauvaise langue, Stéphane. Mais non, la Bretagne, il fait pas spécialement toujours mauvais. Et pour le moment, c'est vrai qu'il fait même beau en Bretagne, puisqu'on a un grand soleil, un indice UV qui est même assez élevé sur les plages. 24, 25, 27, 29 degrés. Ça, ce sera plutôt pour dimanche, avant le retour d'averses orageuses pour mercredi, jeudi et vendredi prochain. Alors, 6 jours de beau temps pour 3 jours de pluie. Moi, je les veux bien en Belgique. Je sais pas vous, Stéphane. Bah oui, je prends aussi, je prends aussi. On va faire plaisir à Victor de Jeanblou. Oui, je suis Victor le footballiste. Non, non, non. Vous êtes Victor des Marolles, hein? C'est Victor de Jeanblou qui nous a envoyé un mail. Pour terminer, Caroline, on va rendre visite à la petite sirène, non pas Ariel, mais bien la petite sirène de Copenhague, au Danemark, où se rend Victor. Ah, Copenhague, quelle chance vous avez, Victor. C'est là qu'il y a le meilleur restaurant du monde et j'en rêve, je suis jalouse. Par contre, au niveau météo, c'est vrai que vous aurez peut-être un peu moins de chance, puisque pour le moment, à Copenhague, on a un ciel assez nuageux, des pluies éparses et un vent assez sensible. C'est le cas aujourd'hui, ça va le rester jusqu'à dimanche inclus. Les températures vont varier entre 17 et 19 degrés en journée. Et puis à partir de lundi, le temps se rétablit tout de même, vous aurez des éclaircies plus larges, un vent plus faible et puis les maxima vont remonter entre 20 et 21 degrés. Merci Caroline Gillet. Et si vous souhaitez interroger Caroline sur la météo de vos vacances, n'hésitez pas à la demander et c'est gratuit si vous passez par internet. Vous cliquez sur un air de vacances, le formulaire de contact et vous nous donnez votre lieu de séjour ainsi que vos dates de départ en vacances et on s'occupe du reste.

Le délicieux titre d'Adèle, Send My Love to Your New Lover sur Vivacité. Et on appelle chez vous à la maison, vous qui avez joué à notre concours, vous qui avez été capable en une seconde d'identifier un artiste. On compose un numéro de téléphone de quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse par SMS. Et nous allons envoyer cette personne. Oui, allô ? Bonjour ! Bonjour ! Qui est à l'appareil ? Céline ! Vous savez qui vous appelle ? Vivacité ! Oui, c'est la bonne réponse ! Enfin, c'est la première bonne réponse, Céline. Dans quelle région êtes-vous ? Je suis à Hambourg, je suis sur mon temps de midi. À Hambourg, et qu'est-ce qu'on fait à Hambourg ? On mange un sandwich, on... Je mange mes tartines dans ma voiture en attendant d'aller travailler. Ah, oui. Comment on appelle les habitants de Hambourg ? Les Hambourgeois, je pense. Les Hambourgeois. Ah, oui. Parce que je sais qu'à à Chauxfontaine, par exemple, ce sont les Calidifontains. Oui. Oui. Et je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça avec Hambourg aussi. Mais bon, c'est vous qui habitez là-bas, donc... Non, moi, j'habite pas là-bas, je travaille ici, moi. J'habite, ce serait pas plutôt les Hambourgeurs ? Ah, les Hambourgeurs, ça peut être sympa. Ça, c'est pas mal, hein. À midi 26. Bon, et vous faites quoi dans la vie ? Je suis aide-ménagère. Aide-ménagère. Et ça a été, la matinée n'a pas été trop difficile ? Non, ça va. Il faisait pas tout sale où vous avez nettoyé ? Non, il faisait pas tout sale. J'ai fait plus du jardinage aujourd'hui. Du jardinage. Ah, vous faites ça aussi avec les titres service ? En théorie, non. Ah. Ah oui. En pratique, bon. Oui. D'accord. Bon, disons que vous avez nettoyé le jardin, quoi. Voilà, on va dire. Vous avez passé l'aspirateur dans le potager. Voilà. Oui, voilà. Bon. Céline, avez-vous identifié cet artiste ? Oui. C'est ? Patrick Sébastien. Eh ben, on va vérifier. Et vous chantez ? Ça va nous détendre, ok ? Vous chantez, allez, on va vérifier. Hein, et vous êtes obligé de chanter, d'accord, Céline ? On vous écoute, décompressez de votre matinée jardinage, là. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, là, on chante, ok ? On compte sur vous. Le refrain, hein, le refrain, et puis on arrête, ok ? Céline, on compte sur vous, hein, on vous écoute. Ah, qu'est-ce qu'on est serré ! Attendez, faut attendre... Faut attendre le refrain. Oui. Ah, ouais, voilà. Mais au refrain, c'est à vous. Et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7. Et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Au fond de cette boîte, chante les sardines, qu'est-ce qu'on espérait ? Au fond de cette boîte, chante les sardines entre les héros et l'ombre. Alors Céline, est-ce que c'est pas une bonne thérapie finalement de chanter Patrick Sébastien pour un peu décompresser après cette matinée, hein ? Sérieusement, c'est vrai que bon, c'est une chanson un peu sotte, mais ça met de bonne humeur. Ça met de bonne humeur, voilà. Et vous êtes bien. Voilà, le sandwich sera bien digéré et vous avez chanté, voilà, les sardines sur Vivacité. Et on va vous envoyer pour la performance au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. C'est gentil, merci beaucoup. Vous irez en là-bas en famille, bon après-midi et bon courage au boulot. Bon, hein. Merci de nous écouter, revoir, Céline, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, oui. Non, je chante pas, moi, t'es fou, toi. Sylvain, non. Mais ceci dit, c'est vrai que ça met l'ambiance, hein. Patrick Sébastien, c'est sympa. Il y a le petit bonhomme en mousse, hein. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et manque le plongeoir. C'est comme une chanson douce que chantait ta maman le soir. Allez, on passe à Christophe Maé, c'est bien mieux. Je veux du bonheur, justement, sur Vivacité. Et on vous en souhaite beaucoup. Et dans un instant, les people en vacances avec Anouar. Ça devient n'importe quoi, cette émission. Bon, et on arrête. Arrêtons Patrick Sébastien, quand même. On se croirait sur France 2 le samedi soir. Vous êtes bien sur Vivacité. Tout va bien, tout est sous contrôle. Soyez rassurés, on ne boit que de l'eau pétillante, c'est vrai. Allez, on va avouer, il y a des bulles. Je veux du bonheur, je veux de la joie. Qu'on m'éclate le cœur. Je t'emmène, je connais le chemin. Il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi que... de cœur, résonne en fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Prends ma main, je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud. Personne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne te regardait. Chante comme si personne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Je veux voir mes parents longtemps. Pourquoi pas leur parler encore mille ans. Je veux voir pousser. Tiens, tout à l'heure on évoquait Hambourg où se trouvait notre gagnante du jeu. Eh bien, il y a Emmanuel qui nous a envoyé que les habitants d'Hambourg s'appellent les Hambouriens. Et donc l'Hambourien, c'est le gars, et une habitante, c'est l'Hambourienne. Voilà, merci beaucoup pour ce mail envoyé depuis la page vivacité.be, un air de vacances. Les people en vacances avec Anouar. Bonjour Anouar. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien, très bien. Alors, Let's Get Along, évidemment, ça c'est le tube, votre tube, qui est programmé sur Vivacité, mais aussi partout. Vous avez fait... Voilà. Vous avez fait les premières parties de Zaz, de Jane, de Boulevard Désert, de Mickey 3D. C'est ça, pendant un petit moment, on a tourné un petit peu avec ces artistes-là et c'était vraiment génial, c'est des bons stages pour apprendre. Et votre premier album, Beautiful Sunrise, est sorti enfin chez Columbia Records ce printemps. Voilà, le 18 mars, l'album Beautiful Sunrise est sorti et là on est en train de le présenter dans les festivals. D'ailleurs aujourd'hui ça sera au Brussels Summer Festival à 19h. Eh ben ouais. Et puis voilà, on fait pas mal de petits festivals à droite à gauche en France et en Belgique pour présenter cet album. J'espère qu'il plaira et qu'il donnera beaucoup d'amour aux gens. Ben, j'espère aussi. D'ailleurs, on vous verra au Beau Vélo de Ravel à Namur, hein, ce samedi. Exactement. Donc ce samedi avec BG Scott et Tima, on sera au Beau Vélo de Ravel à Namur. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens, qu'il y aura du soleil et qu'on passera un chouette moment avec tout le monde. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, Anouar? Autrement dit, votre tube de l'été préféré? Ah, le tube de l'été préféré, ça serait... Sun is Shining. Sun is Shining de Bob Marley? De Bob Marley. Ah ouais, c'est sympa, ça. C'est vrai que c'est très ensoleillé. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Meilleur souvenir de vacances? De ces vacances-ci, là, maintenant? Ouais, ou celle d'avant, hein? C'était être dans un tout petit village au Cap Vert avec des enfants qui jouent au foot, avec des pêcheurs qui sortent génial, avec ça. Des gros poissons, avec vraiment du beau soleil et c'était vraiment magnifique, en tout cas la tranquillité que j'ai pu avoir là-bas à Boa Vista au Cap Vert. Oui. Et voilà, on s'est bien amusé, on a rencontré des gens, on a croisé des gens aussi des Belges un peu partout qui viennent au Cap Vert se reposer. C'était sympa, c'était vraiment cool. Ah bah le Cap Vert, c'est bien noté. C'est une belle destination. Super destination. Et Bob Marley, c'est ça. Voilà, voilà. On va continuer sur Bob Marley. Vous êtes plutôt camping ou hôtel? Plutôt camping. C'est vrai? Hôtel de fortune. Ok, c'est bien. Pour l'ambiance ou pour... parce que c'est vrai que vous êtes libre, vous avez votre tente dans le sac à dos et vous pouvez l'installer un peu où vous voulez, ou presque. Ouais, moi je suis plutôt pour partir, en fait, prendre un billet et puis après on verra ce qui se passe là-bas, quoi. Donc il y a des fois où on dort à un hôtel, parfois on dort chez des gens, parfois ça dépend. Ouais. On suit le feeling du trip et puis voilà, quoi, les choses se font et généralement ça se passe super bien. Je pense que les choses, quand elles sont trop organisées, ça restreint un peu les possibilités de rencontrer des gens et de faire des choses, quoi. Vous êtes donc finalement un aventurier, un noir. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien partir à l'aventure avec un sac et puis on verra ce qui va se passer. Piscine, mer ou montagne? La mer, hein, mer. La météo idéale de vos vacances? Oh, la météo idéale, moi je dirais... pas trop chaud, mais pas, une trentaine de degrés, c'est très bien. Avez-vous un apéro, un cocktail, une boisson favorite pendant l'été? Allez, on va dire un petit mojito, une petite sangria. Ah, mojito ou sangria? Ou les deux? Avec modération. Ou avec moi. Ouais. Quel est votre plat préféré de l'été? Le poisson. À la mer, le poisson, les sardines grillées... Voilà, le poisson grillé, c'est très très bien, c'est léger, c'est bon. On va remettre Patrick Sébastien du coup. Non, je plaisante. Juste avant vous, on a diffusé Patrick Sébastien, c'était le jeu. La glace, vous êtes plutôt vanille, chocolat ou un autre parfum? Pistache, citron. Bon, allez, on lui met deux boules, hein. Ah, noir, voilà, sympa. Une pistache, une citron, on va pas rigoler. Et dans quel endroit vous sentez-vous le plus en vacances chez nous en Belgique? Dans quel endroit? Moi, je dirais dans les Ardennes, côté de Bastogne, du côté dans les montagnes là-bas. Même si ça contredit ce que j'ai dit, que je préfère la mer, mais en Belgique, franchement, je préfère vraiment les Ardennes. En même temps, la montagne en Belgique, c'est. Oui, hein, mais disons que dans les Ardennes, il y a vraiment des énormes espaces verts. Et c'est vallonné, c'est ça que vous voulez dire. Évidemment. Voilà, il y a des petites forêts, de l'air pur, c'est magnifique là-bas. J'adore la région des Ardennes. Eh ben, c'est super. On vous souhaite le meilleur donc pour ce soir au BSF, au Brussels Summer Festival. C'est à 19h votre concert? C'est à 19h, c'est bien ça. Parfait. Et puis au Beau Vélo de Ravel, allez-y, c'est gratos. Ce sera à Namur avec Adrien Jovenot et toute l'équipe du Beau Vélo de Ravel. Vous serez là avec BJ Scott, comme vous l'avez dit. On peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller voir sur ma page. C'est Anwar Music, donc A-N-W-A-R Music. Ouais. Et là, on a toutes les informations, les concerts, tout ce qu'il y a moyen de voir. D'ailleurs, on vient de tourner un nouveau vidéoclip qui va sortir au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page si vous voulez le voir. C'est celui de Let's Get Along? Non, c'est pour le prochain single, pour le mois de septembre. D'accord. Voilà, on arrive avec un prochain single et j'espère que les gens vont l'aimer et l'apprécier. Eh ben super, le rendez-vous est pris. On va vous suivre sur Facebook, Anwar Music. Donc, bonnes vacances malgré tout et bon concert ce soir et samedi au Beau Vélo de Ravel. Salut Anwar. Merci beaucoup. Au revoir et bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances aussi. Ciao, ciao. Vivacité et Ouf TV présente Waouh! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Comment bien acheter quand... on voit la vie en rose. Alors on aime forcément le rosé. Chez Deleuze, jusqu'au 24 août, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze. Bien acheter, bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Ce lundi 15 août, de 14 à 17h, retrouvez-nous en direct de la Rio House à Ostende pour vibrer au rythme des JO avec les athlètes belges et le COIB. Les Jeux Olympiques de Rio 2016, c'est sur Vivacité, la radio du sport. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Marion Jomotte, Sylvie Honoré et Charlotte Verians. Vivacité présente lundi 15 août le 50e marché 1900 de Marchand Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue, jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens, plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Voilà la chanson croustillante comme un chips de Sam Smith, I'm not the only one. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm not the only one. Avant d'écouter dans un instant Tal, Are We Awake? Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et c'est donc sur les hauteurs de la citadelle de Namur que le beau vélo de Ravel installera toutes ses infrastructures pour vous proposer ce samedi une balade à vélo ainsi que plein d'animations. Comme on vous le disait mardi, Namur est situé au croisement de trois grands itinéraires cyclo et c'est d'ailleurs la capitale du vélo. Confirmation avec Adrien Jovenot et son invité. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane, bonjour chers amis du beau vélo de Ravel. Ah, je suis content parce qu'après-demain, on joue à domicile. C'est ici, près de Namur, que se trouve le berceau du beau vélo de Ravel. On est au confluent de la Meuse, de la Sambre, au croisement de deux grands Ravel, le 1 et le 2. Et puis, on peut rappeler, hein, Jacques Bott, quand même, que Namur, c'est la capitale du Ravel et de la Wallonie. Ben, Namur, c'est presque le centre du monde, en fait, hein, en matière, en tout cas en matière de Ravel, parce qu'elle est prêtent effectivement à la croisée de différents itinéraires. Et ça, c'est très important pour la ville de Namur. La ligne 142, entre autres, qui vient de la brasserie du Garden. Oui, on a non seulement la 142, qui est une ancienne ligne de chemin de fer, mais on a aussi la Sambre, la Meuse et la ville de Namur. Et finalement, c'est l'intersection de trois grands itinéraires internationaux. Ah, Libia Vélo à Namur, on est dans les déplacements quotidien, souvent à bicyclette ici. Effectivement, et alors Namur a fourni de gros efforts d'aménagement. C'est ainsi qu'on a récemment eu l'aménagement en encorbellement de la rive gauche de Namur, qui permet d'aller directement vers le moulin de B. On a aussi en rive droite des changements sous le pont de Jambes. Donc ça permet un déplacement quotidien assez facile. Et on est encore en chantier, hein. Il y a encore des travaux en cours. C'est ici l'intersection aussi de trois itinéraires internationaux. Oui, on en a parlé dans une précédente émission. On est au cœur de l'Eurovélo 3, de l'Eurovélo 5 et bien sûr de la Meuse à vélo. Et c'est très important pour la ville de Namur. Namur, qui est au cœur donc de cette Europe cyclable qui met le grand braquet en toute sécurité. Oui, hein. Et on parlait en plus d'aménagement. En plus, maintenant, à Namur, il y a l'éclairage qui permet aux cyclistes de traverser la ville en toute sécurité. D'accord. Bien heureux, les fêlés. Ils laissent passer la lumière. Ce sera sur le beau vélo de Ravel ce samedi 13 août. Je rappelle qu'on décolle de la citadelle de Namur, hein, sur les hauteurs, et puis on va descendre vers Wipion, la vallée de la Meuse, revenir, remonter par la route merveilleuse, à bien nommer route merveilleuse. Je vous en reparle demain, tenez. On parlera aussi des concerts à l'arrivée, entre autres Bridget Scott and Friends. Et Anouar, que l'on recevait il y a quelques instants. Merci beaucoup Adrien Jovenot et à demain. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Emily de Kegel, are you awake? Oui, Après 18 cafés, oui. Yes, but you are tired. I'm very tirette. Tirette. Et Claire, hein. Bon, dans un instant, le top 3. De la Croatie. Non mais je suis aussi tired, hein. Mais awake un petit peu encore, hein, pendant 10 minutes. Mais bah, après... ça serait peut-être mieux. I must going to sleep, ok. Allez, on se retrouve juste après. En télé sur la Lune. À Calcutta, les plus gros chargements sont convoyés par ceux que l'on appelle les hommes chevaux. La Légion étrangère, de nombreux candidats et très peu d'élus. Le corps des soldats d'élite exige une résistance à toute épreuve. Les carnets du Bourlingueur, ce samedi sur la Lune. Et maintenant, la météo. À partir de demain et jusqu'au 15 août, journée rafraîchissante en perspective. Deux packs d'un litre et demi de Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, plus un pack gratuit. Conditions dans les magasins participants. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Wow ! 640 mètres de glissade ultra fun. Dévale le caméléon dans la couleur de ton choix et vis l'aventure rafting dans l'impressionnant Barracuda. Océade, c'est vraiment le numéro 1 en toboggan. Océade. Et terminez la journée en beauté par une visite à Mini Europe à deux pas de l'Atomium. Et c'est goal ! Goal, goal, goal, goal, goal ! Sport Foot Magazine, les bouche bée, les fans les plus déchaînés. Cette semaine, l'édition spéciale compétition européenne. Sport Foot Magazine, vivez le foot. En vente maintenant. Topitz, astuce congélation du jour. Nous, les sa congélation Topitz, tenons droit spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topitz. Aussi frais que frais avec Topitz. Jusqu'à 13h, vivacité a un air de vacances. Et c'est le moment du top 3 espagnol avec le numéro 3. Alors attention, c'est pas le top 3 espagnol de vente de singles. Parce qu'en Espagne, ils ont un classement qui s'appelle la Lista de Radio Música. Ouais. Okay. Et donc c'est les plus hautes rotations sur les radios espagnoles. Donc d'accord. C'est ce qu'on entend à fond à la radio. Et en troisième position, bah, c'est Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling, Emily. Hein. Ouais. Et vous préparez pour la Croatie. Hein. Ouais, mais moi je suis déjà là-bas. Hein. Je suis sur la Riviera croate. Je suis à Split, non pas pour une banana, mais. Très bien. Bon, on reste à Lanzarote un petit peu, hein, avec le numéro 2. Calvin Harris et Rihanna, This is what you came for. Et en tête du classement des tubes des radios espagnoles. C'est Jennifer Lopez. Et ne manquez pas le tip-top tout à l'heure sur Vivacité entre 19 et 20h, c'est la quotidienne et le nouveau classement samedi entre 10h30 et 13h. Alors, Emily, alors elle lève toujours les défis, pour l'instant elle ne s'est jamais plantée. Il n'y a pas un jour où elle est arrivée à se dire bah, y a rien. Et après celle-ci, il en restera 5 avant la rentrée de Vivacité. Donc à vous d'essayer de me piéger ou pas, hein, finalement. Ouais, hein. Mais aujourd'hui, c'est mission accomplie avec des titres qui sont vraiment de là-bas, avec des gens de là-bas. La preuve avec le numéro 3. Ah mais ça chante en croate, hein. Ah oui. Je suis incapable de vous faire la traduction. C'est local, quoi. Hein, je peux juste vous dire qu'il s'appelle Psiomodopop. Psiomodopop. Voilà, ça c'était le numéro 3. Le numéro 2. Ah, il est marrant, lui. Ah, c'est chouette. Avec un petit peu d'accordéon. Ouais. Très sympathique. C'est Davor Radolfi. Ouais. Sans l'accent, parce qu'à un moment donné, faut pas non plus pousser. Ouais. Et alors, très bizarrement, le numéro 1 s'appelle Che Guevara. C'est pas mal. C'est pas mal. Remets un peu le début là, on peut remettre le début. On dirait vous en fait. Parce que parfois vous vous laissez passer des petits bruits. Parfois je vois pas la lumière rouge et voilà, effectivement des fois c'est... Donc ouais, j'éteins l'antenne, voilà. C'est, oui, ça arrive de temps en temps. Et ben voilà, lui il l'a fait exprès, donc c'est Che Guevara. Ce sont des titres que vous avez pu, vous allez peut-être écouter et entendre si vous passez vos vacances en Croatie. Le vin, vous le préférez blanc ou rouge? Blanc. Ah mince, on a que du rouge. Ah, mais ça dépend. Du vin chaud alors. Un vin chaud? Bah écoutez. Non, on va boire du rouge. Il est chaud le red wine de UB40? Ah bah oui, bien sûr, s'il vient de Kingstown machin, Jamaïque, oui, il est chaud. Il est bien chaud, avec de la cannelle et tout alors. Bah ouais. Allez, on y va. Cool sur Vivacité et vous allez rester zen avec Émilie. L'été du bon côté arrive avec un thème très sympathique. Oui, les puisque animaux. Nous allons nous intéresser à nos amis à quatre pattes, nos compagnons de vie qui nous accompagnent ou non en vacances. Mais il faut se réhabituer parce que la rentrée, c'est pour les grands, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour nos chiens, nos chats, nos hamsters, nos lapins, nos pigeons, nos poules, ouais. Que sais-je encore. Et alors, il y a un truc parce que je vous vois là, vous essayez d'esquiver un moi, petit peu. Moi, je n'esquive rien oui, du parce tout. Parce qu'on n'a pas encore réalisé le défi pour demain. On n'a pas encore évoqué le pays que vous allez devoir représenter. Une petite idée dans les oreilles, voilà. La cordillère des Andes, peut-être. Bah écoutez, on va aller au Pérou. Hein. Le top 3 du Pérou demain, ça va. Il y a le lama déjà. Oui, Serge. Serge, lama. Voilà, et on reste dans la thématique pour les animaux. Si vous avez d'ailleurs des lamas à la maison, pourquoi pas. C'est tout bon. Allez, dans un instant, rendez-vous avec Toutou Matou et tous les animaux, tous les conseils avec Émilie, l'été du bon côté. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Très belle journée à tous. Cet après-midi, on aura beaucoup de nuages, de la fraîcheur aussi. Et de la pluie, cela pourrait aller de la bruine à la pluie modérée. Cette nuit, le temps va redevenir progressivement plus sec, même si le ciel va rester bien couvert et que quelques gouttes seront encore possibles sur l'est du pays. Des bancs de brouillard pourront aussi se former sur les hauteurs. Mais plus à l'ouest, les nuages vont commencer à se morceler. Du côté du mercure, les minima seront plus élevés que la nuit passée, 10 à 15 degrés. Demain, on va terminer la semaine sur une note positive, avec plus de soleil, plus de douceur aussi. Des éclaircies qui pourront être large, surtout en matinée, et des maxima entre 19 et 24 degrés. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. L'argent pour Peter Timmers, c'est la troisième médaille pour la Belgique aux Jeux Olympiques de Rio. Belle moisson déjà pour cette édition 2016 et elle pourrait ne pas s'arrêter là. La Belgique a peut-être encore des chances aujourd'hui en judo. Des incendies qui se calment dans les Bouches-du-Rhône, mais les pompiers restent mobilisés. Le Mistral pourrait à nouveau souffler cet après-midi. Une personne est sous les verrous à Vitrolles. Elle est soupçonnée d'avoir bouté le feu volontairement à la garrigue. Cette nuit, regardez le ciel, ça va valoir la peine. On annonce une pluie d'étoiles filantes. Et si ça ne marche pas ce soir, eh bien vous pourrez encore essayer demain. Le phénomène sera visible pendant plusieurs jours. Le journal de 13h avec vous, Manu Delporte. Bonjour. Bonjour Amélie, bonjour à tous. D'abord, cette fuite de gaz dans le centre de Namur. Des ouvriers de la ville ont